Chapitre 3e. Comment on se rencontre ? Eh bien, Toto, disait Michel à son ami, as-tu lu cette histoire de la rue du Pont-Neuf ? Il paraît que notre ami Pied-de-Bœuf a fait merveille. Sa rencontre entre lui et M. Charles a dû être amusante. Le journal dit que tout s'est passé le plus correctement du monde et que même le chef de la sûreté a remercié son ancien sous-ordre du zèle qu'il avait déployé dans cette affaire. Qui sait ? On lui rendra peut-être sa place. Qu'est-ce que tu dis de tout ça ? Moi, rien, fit Fouinard, qui, assis devant son bureau, s'occupa à découper avec des ciseaux les faits divers de la veille, afin de les classer, selon son habitude, par une méthode à lui spéciale. Que Pied-de-Bœuf aille à Charlet, ou qu'il reste adversaire, ils n'en feront pas moins des gaffes. À moins, reprit Michel Gervais, qui n'en était encore qu'à sa période d'apprentissage, à moins que les affaires soient toujours aussi simples que celle-ci. Ah, tu trouves cette affaire toute simple, reprit Fouinard, en piquant sur lui ses yeux pleins de malice. « Ne me regarde pas comme ça, Toto. C'est comme si tu me disais que je ne suis qu'un imbécile. Après tout, c'est probablement vrai. Voyons, dis-moi ce que tu as dans la tête. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire de la rue du Pont-Neuf ? Dame, ce que tout le monde en penserait. Ce jeune homme m'a l'air d'un joli toquet. Il paraît, a dit le médecin, qu'il sentait l'absinthe à plein nez. Il aura roulé dans les cabarets, et comme il a de l'argent, il aura été suivi par quelques gredins. Qu'il a accompagné jusque chez lui, qu'il est monté jusqu'à son appartement et l'a tué pour le voler. Ouais, moi je veux bien. La pâche, c'est comme le cheminot, quand on ne sait à qui s'en prendre, on imagine tout de suite un de ces bandits légendaires. Ah, tu sais, Toto, à pâche ou non, il y a tout de même un assassin puisqu'il est un assassiné. Tu ne te doutes pas à quel point tu es dans la vérité, interrompit Fouinard en riant franchement. Certes, il y a un assassiné. « Alors toi, tu croirais plutôt à un crime passionnel ou prémédité ?»« Moi, je ne crois rien. D'ailleurs, tu comprends bien que je n'ai pas la moindre envie de marcher sur les brisées de messieurs Charlet et Pied-de-Bœuf. Cela m'amusera même fortement qu'ils se réconcilient sur mon dos. Ah, ce pauvre Fouinard, ce que Pied-de-Bœuf se paiera à sa tête !» Michel se mit à rire à son tour. « Ouh, toi, je te devine !»« C'est que tu leur prépares un joli tour de ta façon. » « Mon petit Michel, je vais bien t'étonner, ce n'est pas du tout de cette affaire-là que je vais m'occuper. »« Ah bah !»« Toi, tu es comme tout le monde, tu te laisses prendre au gros titre. Tu as vu ce matin le crime de la rue du Pont-Neuf et tu as sauté dessus. »« Moi, je l'ai lu, mais ce n'est pas cette histoire-là qui m'a le plus intéressé. »« J'ai découvert, dans un coin de la 3e page, une petite affaire qui m'a bien plus tiré l'œil. »« Vraiment ? Alors elle doit être bien curieuse, montre. »« Voici. » dit Fouinard en présentant à son élève et ami une coupure de quelques lignes. « Lis ça et déguste. » Michel prit le papier et le lut à haute voix, lentement. « Encore un exploit de messieurs les Apaches. » Cette nuit, vers 1 h du matin, les agents relevaient sur le quai entre la rue Gilles-le-Cœur et le pont Saint-Michel un homme qui gisait sur la chaussée au milieu d'une mare de sang. Transporté immédiatement au poste de police, où justement se trouvait un médecin, ce malheureux, qui pouvait à peine parler, portait en pleine poitrine une blessure sur la gravité de laquelle l'homme de l'art n'a pu encore porter de diagnostic certain. Le blessé a pu expliquer difficilement qu'il avait été frappé sur la voie publique par un inconnu qui lui adressait quelques paroles incompréhensibles, puis lui a lancé un fameux coup de couteau. Il ne sait rien de plus. Après avoir prononcé ces quelques paroles, il s'est évanoui et a été transporté d'urgence à l'Hôtel-Dieu. Les papiers qu'on a trouvés sur lui ont révélé qu'il se nomme L. Fruitier, rue des Écoles. Évidemment, il rentrait chez lui quand un misérable l'a frappé. C'est là sans doute un de ces crimes d'apache, exécutés sans aucun motif que la volonté de faire le mal. Une enquête est ouverte. Ayant lu cela, Michel se tut. Fouinard le regardait en dessous. « Eh bien, dit Toto, qu'est-ce que tu dis de ça ? Moi, je dis, ou plutôt il me semble que... « C'est-à-dire que tu te demandes si la cervelle de ton ami Fouinard déménage ?»« Oh, peux-tu croire ?»« Parfaitement. Mais je ne t'en veux pas. »« Alors cette tragédie nocturne ne te passionne pas ?»« Je suis sans doute très bête, » dit Michel d'un air un peu pincé. « Mais je ne vois là qu'une de ces affaires banales comme chaque jour on nous en apporte. »« Oh, je ne prétends pas que ce soit un événement à révolutionner le monde, mais il m'intéresse. »« On verra. » Il se leva, mit son chapeau sur sa tête et prit Justine en main. « Dis donc, Justine, dit-il à sa canne, Est-ce que tu crois, toi aussi, que ton patron a une fêlure ? Mais je n'ai pas dit ça ! S'écria Michel. « Ce méchant de m'attribuer des idées qui ne me sont jamais venues. »« Allons, mon vieux, serre la pince à Toto et va travailler. »« À propos, vous n'avez pas oublié que ce soir je vous emmène dîner, Suzon et toi. »« Rendez-vous de 6 à 7 au café de la Porte Saint-Martin, pour l'apéritif. » Et il sauta dans l'escalier avec une cabriole. Il héla un taxi. Rue de Rivoli, au coin de la rue du Pont-Neuf, et d'attaque. En 10 minutes, il arrivait. Et se postant au coin de l'immense magasin de nouveautés, regardait attentivement ce qui se passait. Un groupe compact obstruait le trottoir. Fouinard, d'un air de flâneur, alla s'y mêler et écouta. Un patronnet affirmait qu'on cachait la vérité, que le pauvre jeune homme avait été coupé en morceaux. Un trottin déclarait que c'était une vengeance de femme trompée, qu'il avait fait assassiner par un officier de dragon. Mais tous étaient unanimes, avoué à l'échafaud, après les tortures préliminaires et multiformes, le bandit qui avait perpétré l'horrible forfait. Fouinard, se faufilant, était arrivé jusqu'au concierge et tirait de lui des renseignements plus précis. Il était certain que c'était bien un inconnu qui s'était introduit dans la maison en même temps que la victime et l'avait poignardé dans son appartement. « Voyez-vous, mon petit monsieur, disait l'excellent Pipelet, mis en confiance par la physionomie ouverte de son interlocuteur, la police sera du fil à retordre. Ça n'est pas un crime ordinaire, et quand le juge m'a interrogé, j'ai dit comme ça. Quoique je ne sois qu'un concierge, on ne m'ôtera pas de la tête qu'il y a là-dedans une tragédie de passion. Monsieur Firmin ne doit pas s'appeler Monsieur Firmin. Il avait l'air bien trop distingué pour ça. Ce que je crois, moi, c'est qu'il était venu se cacher pour échapper à ses ennemis, et que c'est un de ceux-là qui l'a retrouvé et qui l'a tué, parce qu'il avait été condamné par un tribunal secret. Peut-être bien que c'était un russe, insinua un voisin qui écoutait. Un russe, fit M. Blot en haussant les épaules. Il n'avait seulement pas de pelisse de fourrure. Non, non, ça n'a rien d'international. Et puis il ne recevait pas de lettres. Alors comment qu'il aurait conspiré? Seulement, vous comprenez, un homme qui a des têtes de mort sur sa table de nuit, c'est un être extraordinaire. Je parierais qu'il faisait du magnétisme. Ça explique tout. Est-ce que c'est vrai qu'il se saoulait? Demanda la femme du papetier à côté. « Qu'il se saoulait !» fit M. de Blot avec un sursaut. « Sachez, madame, que dans notre maison, personne ne s'est jamais saoulé. Évidemment, il devait boire un petit coup comme tout le monde, et quand il passait les moitiés de nuit dehors, bien sûr qu'il ne s'abreuvait pas de sirop de grenouille. À preuve qu'une fois, il a fallu que je l'aide à se hisser au 3e étage. Mais pour se saouler, certes non. Même qu'il était furieux et qu'il voulait me tuer. Un peu de boisson, voilà tout. » « Enfin, demanda Fouinard de l'air le plus innocent, c'était un parfait locataire. « Je puis le dire, monsieur, sauf qu'il était trop flegmatique avec son concierge, ne lui adressant jamais la parole. Et puis, voyez-vous, il était trop hagard. »« Ah, il était hagard, répéta Fouinard. Qu'appelez-vous être hagard ?»« Comme si ça se comprenait pas tout seul, reprit Monsieur Blot. Il était pâle, verdâtre, avec de grands cheveux qui lui tombaient dans le cou. » Et des yeux grands comme des lanternes de locomotive, qui vous fixaient à vous faire peur. À preuve qu'il y avait de la passion dans cet homme-là. Enfin, il était hagard. Là, vous y êtes? Tout à fait. Et l'assassin est-il arrêté? Monsieur Blot eut un haussement d'épaule. Comme vous y allez-vous? Assassiné sur les 2 ou 3 heures du matin, faudra peut-être qu'à 10 heures tout fût bâclé. Vous croyez donc que la police est un tas de fainéants? Faut bien qu'il travaille. Et il travaille beaucoup. « C'est-à-dire que depuis le lever du soleil, ils ne démarrent pas d'ici, les uns ou les autres. Et puis, on n'a pas le droit de rien découvrir avant que le corps ait été à la morgue et que l'autopsie ait été faite. Faut bien suivre l'ordre des formalités. »« Vous avez bien raison, » approuva Fouinard. « Et comme ça, vous croyez qu'il ne s'appelle pas Firmin ?»« Parbleu, pourquoi donc qu'on l'aurait assassiné ?» Ce concierge avait des réparties d'une logique étonnante. Fouinard jugea sans doute qu'il était inutile de le pousser dans ses derniers retranchements. Il joua des coudes pour sortir de la foule, et juste à ce moment, M. Charlet et Pied-de-Bœuf sortaient de l'immeuble, accompagnés du juge d'instruction. Fouinard aurait certes préféré éviter la rencontre, mais les curieux formaient une enceinte infranchissable, et ils se trouvaient au premier rang. « Tiens, ce bon Fouinard !» dit le chef de la sûreté en l'avisant et en lui tendant cordialement la main. Pied-de-Bœuf s'était reculé d'un pas en arrière, l'air enfrogné, les yeux encolérés. « Vous êtes comme le chien de chasse qui a flairé le gibier. continua M. Charlet. Mais croyez-moi, il n'y a ici, malgré toutes les apparences, rien de bien intéressant. Un crime banal, peut-être une simple querelle d'ivrogne. Car vous savez, la victime a empoisonné l'absinthe. Dès que nous saurons, et ce ne sera pas long, quel est le véritable nom de ce singulier personnage, nous n'aurons pas loin à aller pour mettre la main sur l'assassin. Alors c'est donc vrai, ce qu'on me disait, qu'il ne s'appelle pas M. Firmin. M. Piedebœuf eut le toupet d'intervenir. La chose est évidente. Ce jeune homme doit appartenir à une excellente famille. La famille des Firmin peut être excellente, dit Fouinard en lui riant franchement au nez. Allons, allons, fit M. Charlet. J'oubliais que vous êtes en froid avec M. Piedebœuf. Certes, il a eu des torts envers nous et il le reconnaît. À tout péché, miséricorde. Supprimons la majeure partie de la phrase, dit Fouinard. Il restera toujours la corde. Mais je vous demande pardon, M. Charlet. Je vois qu'il n'y a rien à glaner pour moi par ici. Et je m'en vais à mes petites affaires. Oh, on se reverra, gronda Piedebœuf avec une évidente intention de menace. Malgré tout l'empire qu'il exerçait sur lui-même, Toto eut un sursaut et faisant siffler sa canne dans l'air. Oui, oui, monsieur Piedebœuf, vous m'en reverrez. Et Justine aussi. Sans attendre de réponse, il se perdit dans la foule. Mon petit Toto, se dit-il à lui-même, tu viens de faire une bêtise. Voilà que M. Charlet s'est laissé réempaumer par ce mauvais imbécile. On te taillera des croupières. À toi maintenant d'aller plus vite et plus loin que toute cette séquelle. Et délibérément, il se dirigea vers le pont Saint-Michel, le franchit, traversa la place, s'engagea sur le boulevard et tourna dans la rue des Écoles.